Assure-moi, vois-tu la hurle comme une armure, des sapes et de luxe dans l'armoire. Remplis mon gobelet, ma bite dans ta bouche, vas-y gobe-la. T'es pas dans le plan, tu te mets de quoi? Méchant bandit dans les mauvais coins, c'est sûr. Ton sourire est hypocrite, vend la pure. Maintenant tu t'attends au pire. T'as vraiment cru qu'on aurait la même pas? T'as vraiment cru que j'en aurais jamais marre de ton cul? 357 Magnum sous le pull. Allô, allô, allô, je veux mon putain de pognon à midi pile. Ne raconte pas tes salades, tu graves d'aille. Mais faut quand même qu'on relance une taille. Quand même qu'on touche le jackpot, mon pote. T'entends le bruit du 4-4. On fume, je te baise, je me casse. Y'a ceux de pommes dans mon Discord. Les super-héros crèvent dans nos histoires. Argent sale qu'on investit. Les bêtes se tournent, mon ange a des cornes. Inséparable comme Odog et Kane. Plus rien à faire de rebelles et de kin. Fume cette basto, cette conne. C'est parce que tu vaux rien, je t'épargne. Fume cette basto, cette. N'aie pas confiance en ces négros. Casse-toi si t'es venu pour tes gras. J'arrive sur lui en casque intégrale. Sur le point de vente, c'est quoi ton rôle? On roule ensemble, t'es mon gars, va. Quand je lui mets pas ma bitch, il se râle. Cuisine la cam dans cette casserole. T'as raison, mon bébé capitaine, elle va jamais changer. T'as raison, enfoiré, c'est négro, va nous voir retourner. Dans la chambre, j'aperçois que la lune sort déjà et mon jour. Une enfance dure, c'est normal que de elle aux enfants.